parler fort pour nous savoir que nous fâchons. Pardon mille fois, tu chouins, désolé. Non, c'est pas vrai, c'est un mauvais rêve. On peut pas croire, ou qu'à partir. Qu'à faire tout ça là, j'en dis rien pour moi.